Section 115, 1001 nuits, tome 3e, cinquième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 1001 nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland, cinquième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. « Ma sœur, reprit le prince Bahman, vous nous dissimulez la vérité. » Il faut bien que ce soit quelque chose, et même quelque chose de grave. Il n'est pas possible que pendant le peu de temps que nous avons été éloignés de vous, un changement aussi grand et aussi peu attendu que celui que nous remarquons en vous vous soit arrivé pour rien. Vous voudrez bien que nous ne vous en tenions pas quitte pour une réponse qui ne nous satisfait pas. Ne nous cachez donc pas ce que c'est, à moins que vous ne vouliez nous faire croire que vous renoncez à l'amitié et à l'union ferme et constante qui ont subsisté entre nous jusqu'aujourd'hui dès notre plus tendre jeunesse. La princesse, qui était bien éloignée de rompre avec les princes et frères, ne voulut pas les laisser dans cette pensée. Quand je vous ai dit, reprit-elle, que ce qui me faisait de la peine n'était rien, je l'ai dit par rapport à vous, et non pas par rapport à moi, qui le trouve de quelque importance. Et puisque vous me pressez par le droit de notre amitié et de notre union, qui me sont si chers, je vais vous dire ce que c'est. Vous avez cru, et je l'ai cru comme vous, continua-t-elle, que cette maison, que feu notre père nous a fait bâtir, était complète en toute manière, et que rien n'y manquait. Aujourd'hui, cependant, j'ai appris qu'il y manque trois choses, qui la mettraient hors de comparaison avec toutes les maisons de campagne qui sont au monde. Ces trois choses sont l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et le jaune de couleur d'or. Après leur avoir expliqué en quoi consistait l'excellence de ces choses, « C'est une dévote musulmane, ajouta-t-elle, qui m'a fait faire cette remarque et qui m'a enseigné le lieu où elles sont et le chemin par où l'on peut s'y rendre. Vous trouverez peut-être que ce sont des choses de peu de conséquence, pour faire que notre maison soit accomplie, et qu'elle peut toujours passer pour une très belle maison indépendamment de cet accroissement à ce qu'elle contient. Et ainsi que nous pouvons nous en passer, vous en penserez ce qui vous plaira. » Mais je ne puis m'empêcher de vous témoigner qu'en mon particulier je suis persuadée qu'elles y sont nécessaires, et que je ne serai pas contente que je ne les y voie placées. Ainsi que vous y preniez intérêt, que vous n'en preniez pas, je vous prie de m'aider de vos conseils, et de voir qui je pourrais envoyer à cette conquête. Ma sœur, reprit le prince Bahman, rien ne peut vous intéresser qui ne nous intéresse également. Il suffit de votre empressement pour la conquête des choses que vous nous dites, pour nous y obliger d'y prendre le même intérêt. Mais indépendamment de ce qui vous regarde, nous nous y sentons porter notre propre mouvement, et pour notre satisfaction particulière, car je suis bien persuadée que mon frère n'est pas d'un autre sentiment que moi, et nous devons tout entreprendre pour faire cette conquête. Comme vous l'appelez, l'importance et la singularité dont il s'agit méritent bien ce nom. Je me charge de l'affaire. Dites-moi seulement le chemin que je dois tenir et le lieu. Je ne différerai pas le voyage plus longtemps que jusqu'à demain. Mon frère, reprit le prince Pervise, il ne convient pas que vous vous absentiez de la maison pour ainsi longtemps, vous qui en êtes le chef et l'appui, et je prie ma sœur de se joindre à moi pour vous obliger à abandonner votre dessein et à trouver bon que je fasse le voyage. Je ne m'en acquitterai pas moins bien que vous, et la chose sera plus dans l'ordre. Mon frère, repartit le prince Bahman, je suis bien persuadé de votre bonne volonté, et que vous ne vous acquitteriez pas du voyage moins bien que moi, mais c'est une chose résolue, je veux le faire, et je le ferai. Vous resterez avec notre sœur, qu'il n'est pas besoin que je vous recommande. Il passa le reste de la journée à pourvoir aux préparatifs du voyage et à se faire bien instruire par la princesse des enseignes que la dévote lui avait données pour ne pas s'écarter du chemin. Le lendemain, de grand matin, le prince Bahman monta à cheval et le prince Pervise et la princesse Parizade, qui avaient voulu le voir partir, l'embrassèrent et lui souhaitèrent un heureux voyage. Mais au milieu de ses adieux, la princesse se souvint d'une chose qui ne lui était pas venue dans l'esprit. « À propos, mon frère, dit-elle, je ne songeais pas aux accidents auxquels on est exposé dans les voyages. Qui sait si je vous reverrai jamais? Mettez pied à terre, je vous en conjure, et laissez là le voyage. J'aime mieux me priver de la vue et de la possession de l'oiseau qui parle, de l'arbre qui chante et de l'eau jaune, que de courir le risque de vous perdre à jamais. Ma sœur, reprit le prince Bahman en souriant de la frayeur soudaine de la princesse Parizade, la résolution en est prise. Et quand cela ne serait pas, je la prendrai encore, et vous trouverez bon que je l'exécute. Les accidents dont vous parlez n'arrivent qu'aux malheureux. Il est vrai que je puis être du nombre, mais aussi je puis être des heureux, qui sont en beaucoup plus grand nombre que les malheureux. Comme néanmoins les événements sont incertains, et que je puis succomber dans mon entreprise, tout ce que je puis faire c'est de vous laisser un couteau que voici. Alors le prince Bahman tira un couteau, et en le présentant dans la gaine à la princesse, « Prenez, dit-il, et donnez-vous de temps en temps la peine de tirer le couteau de sa gaine. peine. Tant que vous le verrez net comme vous le voyez, ce sera une marque que je serai vivant. Mais si vous voyez qu'il en dégoûte du sang, croyez que je ne serai plus en vie et accompagnez ma mort de vos prières. » La princesse Parizade ne put obtenir autre chose du prince Bahman. Ce prince lui dit adieu à elle et au prince Pervis pour la dernière fois, et il partit bien monté, bien armé et bien équipé. Il se mit dans le chemin, et sans s'en écarter ni à droite ni à gauche, il continua en traversant la Perse, et le 20e jour de sa marche, il aperçut sur le bord du chemin un vieillard hideux à voir, lequel était assis sous un arbre, à quelque distance d'une chaumière qui lui servait de retraite contre les injures du temps. Les sourcils blancs comme la neige, de même que les cheveux, la moustache et la barbe lui venaient jusqu'au bout du nez, la moustache lui couvrait la bouche, et la barbe avec les cheveux lui tombait presque jusqu'aux pieds. Il avait les ongles des mains et des pieds d'une longueur excessive, avec une espèce de chapeau plat et fort large qui lui couvrait la tête, en forme de parasol, et pour tout habit, une natte dans laquelle il était enveloppé. Ce bon vieillard était un derviche qui s'était retiré du monde. Il y avait de longues années, et s'était négligé pour s'attacher à Dieu uniquement, de manière qu'à la fin, il était fait comme nous venons de le voir. Le prince Bahman, qui depuis le matin avait été attentif à observer s'il rencontrerait quelqu'un dont il pût s'informer du lieu où son dessein était de se rendre, s'arrêta quand il fut arrivé près du derviche, comme étant le premier qu'il rencontrait, et mit pied à terre pour se conformer à ce que la dévote avait marqué à la princesse Parizade. En tenant son cheval par la bride, il s'avança jusqu'au derviche, et en le saluant, « Bon père, dit-il, Dieu prolonge vos jours et vous accorde l'accomplissement de vos désirs. » Le derviche répondit au salut du prince, mais si peu intelligiblement qu'il n'en comprit pas un mot. Comme le prince Bahman vit que l'empêchement venait de ce que la moustache couvrait la bouche du derviche, et qu'il ne voulait pas passer outre sans prendre de lui l'instruction dont il avait besoin, il prit des ciseaux dont il était muni, et après avoir attaché son cheval à une branche de l'arbre, il lui dit « Bon derviche, j'ai à vous parler, mais votre moustache m'empêche que je ne vous entende. Vous voudrez bien, et je vous prie de me laisser faire, que je vous l'accommode avec vos sourcils qui vous défigurent et vous font ressembler plutôt à un ours qu'à un homme. » Fin de la 5e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette, section 115.